Bonsoir mesdames et messieurs, vous voici dans la machine à son une nouvelle fois, bien installé, confortablement installé, je le souhaite, je l'espère. Voilà, vous allez apprendre à respirer ce soir, un peu vite peut-être, mais on va essayer de faire de la méditation dans une sorte de fureur. Bon, toute proportion gardée, évidemment, il y aura quelques moments plutôt presque romantiques, balades, menuets, des choses comme ça, enfin, vous verrez. Voilà, c'est une émission un peu classique dans la machine à son, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait du comme ça avec le professeur. Parce que là, pour une fois, ça a été l'entente cordiale, et au moment où on s'est vu donc, pour préparer l'émission de ce soir, et ben, en fait on était assez d'accord sur tout, ce qui arrive assez rarement, donc c'est bien, nous sommes en progrès. Au bout de ces quelques années de cohabitation, on arrive enfin à trouver un terrain d'entente, ce qui est quand même plutôt rassurant pour le futur, pour vous aussi, pour vos oreilles. Donc ce soir, eh bien, on revient un peu à, on va dire, aux origines. Alors c'est pas non plus on part pas dans le préhistorique, mais bon, voilà, on va refaire un peu des trucs qu'on n'avait pas fait depuis longtemps, c'est-à-dire mettre un peu du bruit de la fureur. Voilà, à peu près tout le temps. Et oui, il faut faire démarrer un peu la machine, parce qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a une certaine lassitude, une certaine... les gens sont pas très bien, il y a plein d'histoires louches dans le monde, mais bon, on s'en fout, dans la machine à son, on est hors de tout ça, hein, vous êtes dans une espèce de bulle cosmique, plus ou moins, en tout cas une bulle de bien-être. Voilà, donc c'est ça ce soir que nous allons essayer de vous dispenser. Donc, du bruit, de la fureur pour votre paisibilité. Allez, roulez jeunesse. Avanti. La chapeau, nous aurons distingué les ovnis sur la plage. Surpassez vos vacances sur Chicken Island, à Paris. Yeah. save me some of that fucking joint, boys. Kiss the sky. les petits amis. Comment vous sentez-vous ? Légèrement requinqué ? Bon, oui, j'avoue que bon, pour l'instant, il n'y a pas non plus de quoi voilà, partir en sucette. Hein. Vous n'allez pas non plus tout casser chez vous. Alors, attendez, parce que moi, j'ai tout cassé le micro. Donc, voilà, ça y est, c'est réparé. Et oui, il faut savoir être un peu technicien dans cette radio, because le professeur, il ne faut pas que je compte sur lui pour m'aider. Il est comme ça, lui. Enfin, et voilà. Là, il m'avait dit, tiens, si on les emmenait au Mexique, il ne faut pas que je tourne la tête, parce que dès que je tourne la tête, vous ne m'entendez plus. Et oui, ça, c'est un petit problème, quand même, vu tous les trucs intelligents que je peux raconter. Et oui... I'm not afraid to die. Ça vous a pas fait de mal quand même, hein? Allez, c'est reparti. What I want, that's l'argent, l'argent, l'argent, toujours l'argent, mais il n'y a pas que d'argent dans la vie, il y a aussi la musique. I'm

sont avec toi. Solo quiero rock and roll. Yo solo quiero. Presentarlos ahorita mismo en nuestro programa a Gogo. ¡Pero no podemos! ¡Ah! ¡Se niegan! Mon amour, c'est du vrai rock. Oh, mon amour, c'est du vrai rock. Je vous jure, c'est pas du talk, ouais. Même si je suis un peu le folle. Mon amour, mon amour, mon amour. Mon amour c'est du vrai rock. Mais ton cœur est un vrai rock. Oui, ton cœur est un vrai rock. C'est un insensible bloc qui ne comprend pas notre époque. Oui, mais ton cœur, mais ton cœur, mais ton cœur. Et la machine à son, ça c'est du rock. Et ouais, bon, on a essayé ce soir. Moyenne forme le professeur. Hein. Il m'a dit j'ai des ennuis gastriques, donc je ne participe pas. Tu te démerdes. Bah, sympa, ça fait plaisir. Enfin, c'est pas grave. J'espère que quand même pour vous ça n'a pas été trop compliqué. Donc voilà, je vois que l'heure tourne. Il est temps de nous en aller. Donc à bientôt les amis. Nous retournons sur notre petit nuage. Jouer du pipeau.